Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 7 août, dont voici les grandes articulations. Deux personnes, toutes de la commune et province Rumong, sont mortes la nuit dernière dans des circonstances différentes. Une autre personne est morte poignardée en province Muyinga, vous l'entendrez dans ce journal. La récente mesure prise par le gouvernement burundais d'empêcher l'exportation des produits vivriers et la libre circulation des véhicules vers le Rwanda est un signe de détérioration des relations entre les deux pays. Dans ce journal, vous suivrez l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya. Augustin Nzojibwami, président du parti Sangwe Pader, n'est plus. Une triste nouvelle pour sa famille politique. Saturne Choitungye fait savoir que c'était un homme intègre et pris de paix, ayant joué un rôle important dans les négociations à Arusha. Dans ce journal également, on parlera de la pénurie d'eau au chef-lieu de la commune Rugombo, en province Cibitoke. Depuis deux semaines, un bidon s'achète entre 500 et 700 francs burundais. Vous l'entendrez dans ce journal, mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mihai Kanyange, encore une fois, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir, page sécurité pour débuter ce journal. Deux personnes, toutes habitant la commune Rumonge en province Rumonge, sont mortes la nuit dernière dans des circonstances différentes. La première est morte dans la prison centrale de Mimba, Bujumbura, puis son corps a été ramené dans sa famille à Rumonge, et la deuxième a été retrouvée morte à Mugara en commune Rumonge. C'est une correspondance de Jean-Pierre Misago. Une de ces personnes est un enseignant du lycée communal de Mugara. Les informations obtenues de sa famille indiquent qu'elle a perdu la trace de cet enseignant à partir de 21h de ce samedi. Depuis lors, son téléphone portable sonnait sans réponse avant son extinction définitive. Son corps a été retrouvé ce matin, étendu au bord d'une piste à Mugara, sans son téléphone portable, sans argent, sans identité et autres pièces. Sa famille parle d'un étranglement et la police de Rumonge dit avoir arrêté deux personnes pour interrogatoire. La deuxième personne morte la nuit dernière est un certain Benga, habitant au quartier Iteba de la ville de Rumonge. Celui-ci est mort dans la prison centrale de Mhimba. Il y avait été conduit après son arrestation chez lui le 29 juillet dernier à la place de Chimani Maesare, que la police et le service national de renseignement Rumonge venaient de manquer après avoir fouillé son domicile. Selon des sources auprès de sa famille, Benga souffrait du diabète et de l'hypertension. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Quittons la province Rumonge pour nous rendre en province Muyinga, où un homme a été tué à coups de bâton et poignard au cours de la nuit de ce samedi à dimanche. Sur la colline Nyarutongo, en commune Giterani de la province Muyinga, Floride Ndoyez, administrateur de la même commune, indique que cet homme, du nom de Ndururu Tsebaltazar, serait victime de la justice populaire. Il était soupçonné d'avoir volé un vélo la veille. Des personnes ont été appréhendées pour enquête. D'après la même autorité locale, il y a une semaine, une femme a été lynchée, soupçonnée d'être sorcière dans la commune Mwakiro de la même province de Muyinga. Ni toi, Augustin Nzojibwami, abandongo le mugambwe Sangwe Pader. Il était président du parti Sangwe Pader, c'est Augustin Nzojibwami. Il a rendu son âme ce samedi soir à l'âge de 57 ans. Il a succombé à une maladie. Cela est une triste nouvelle pour sa famille politique. Pour Saturne Choitungye du parti Sangwe Pader, compagnon d'Augustin Nzojibwami, ce dernier a joué un rôle important au début du processus de négociation qui se sont déroulés à Arusha. Il était l'homme épris de paix et qui a influencé les uns et les autres à changer certaines de leurs positions en faveur de la paix. Suivez sa tournée Choitungye. J'étais vraiment l'ami de Zosu Captain, non seulement au parti Sangwe Pader qu'il a fondé, que nous avons fondé avec lui, mais aussi au Frondebu. Il est membre fondateur du parti Sawaya Frondebu, compagnon de Nathalie Melchior. Il a eu même à diriger son parti comme secrétaire général. Il a été également président de l'Assemblée nationale. Mais ce que je retiens de lui, c'est pendant 1987, quand les négociations commençaient, qu'il a été vraiment l'artisan des négociations d'Arusha. Parce que les négociations d'Arusha ont été précédées par la plateforme politique qui était signée entre le Frodebo et l'Iprona, le Buyoya et Léon Sengenda Koumane Zojibran, Léon étant président de l'Assemblée nationale, Zojibran étant secrétaire général du Frodebo. En ce moment-là, Milan était à l'exil en Tanzanie. Alors, ils se sont entendus dans Buyoya. Vous voyez la situation, elle est intenable. Nous devons arrêter cette situation pour que quand même le pays passe, il faut que les gens entendent, les uns abandonnent leur positionnement, les autres mêmement. Alors c'est à ce moment-là où Ndjibram et Osinga Koumana et Buyoya ont signé la plateforme qui a conduit les partis politiques, les gens qui en exil, même la rébellion, à négocier l'accord d'Arusha. Donc vous comprenez que il a été le grand artisan de la plateforme. Moi, j'étais à ce moment-là un des dirigeants du groupe parlementaire. J'ai suivi. D'ailleurs, à un certain moment, je ne voyais pas comment Léonce et Ndjibram pouvaient s'entendre avec Buyoya Putiz. Mais quand ils m'ont expliqué, c'était pour des négociations, c'était pour aller à Arusha. Et tout le monde a adhéré. Saturne Choitungye, il est membre du parti Sangwe Pader. Toujours en page sécurité, deux personnes sont mortes, dont un enfant de 11 ans suite à un accident de roulage qui a eu lieu ce samedi dans la ville de Gitega. Cet accident a été occasionné par un véhicule militaire qui a dévié sans clignoter, percutant ainsi 8 autres personnes qui ont été grièvement blessées et qui sont soignées à l'hôpital régional de Gitega. Ce samedi même, il y a eu deux accidents dans la ville de Gitega sans mort, mais des personnes ont été blessées. Le journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu Info Grand Lac est toujours porté disparu depuis le 22 juillet 2016. Il a été enlevé à Bugarama en province Muramvya. La police et le service national de renseignement ont tous dit qu'ils ne savent rien sur son arrestation. Sa famille et le groupe de presse Iwachu demandent que sa vie soit préservée. Antoine Kabura, directeur du groupe de presse Iwachu, demande à ce que la police puisse accepter de faire des enquêtes sur base des résultats des enquêtes menées par le groupe de presse Iwachu, parce qu'il estime qu'il peut avoir certaines pistes qui peuvent aider à le retrouver. Sur cette disparition, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, a fait une descente à Muramvya et dit n'avoir pas trouvé de traces du journaliste Jean Bigirimana. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique de ce journal, la mesure du gouvernement burundais d'interdire toute exportation des produits vivriers vers le Rwanda et celle d'empêcher une circulation libre des agences de voyage de et vers ce pays est une manifestation de détérioration des relations entre ces deux pays. C'est la lecture faite par un ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, explique que cette mesure est des retombées négatives sur les habitants des frontières qui faisaient du petit commerce. Suivez Sylvestre Ntibantunganya, ancien président burundais. Je crois que c'est une manifestation qu'il y a effectivement une détérioration des relations entre nos deux pays, qui a là un nouveau signe visible qui montre que la crise que nous connaissons depuis le mois d'avril 2015 produit des répercussions négatives dans la vie quotidienne des citoyens burundais et que cela interpelle tous les acteurs pour qu'ils apportent une solution à cette crise afin d'éviter toutes ces conséquences fâcheuses dont celle-là. Nous avons entendu des plaintes de ce genre, notamment du côté des populations des communes de Rugombo, dans la province de Cibitoke, qui disent que les produits qu'ils vendent sur le Rwanda aujourd'hui ont de la difficulté à trouver un nouveau marché. Si donc il y avait possibilité d'un nouveau marché, y compris à l'intérieur du Burundi, je pense que les populations concernées seraient déjà orientées vers ces marchés. Mais on peut dire aussi que peut-être qu'en vendant dans le Rwanda voisin, ces populations y trouvaient davantage d'intérêt en faisant jouer bien sûr, la loi de l'offre et de la demande. Dans ce genre de choses, c'est au plus offrant vers lequel on s'oriente. Je crois donc qu'il y a là un problème, effectivement, qui est dicté par la loi du marché et qui ne trouve pas rapidement de solution du côté des stratégies commerciales intérieures au Burundi. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya précise que la solution au problème entre les deux pays doit être trouvée à la racine Étant donné que ces deux pays font partie intégrante de la communauté est-africaine, le traité créant cette communauté devrait régler la question suivie encore une fois l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya. Nos deux pays ont adhéré à l'East African Community ou à la communauté de l'Afrique de l'Est en 2007. C'était sur la demande des gouvernements respectifs des deux pays. Et certainement, quand cherchant à y adhérer, ils trouvaient de l'intérêt, notamment au niveau des stratégies d'intégration régionale qui sont caractérisées par exemple aujourd'hui par la liberté de mouvement, de déplacement des populations, mais également par des facilités d'ordre commercial que les pays concernés doivent s'offrir. S'il y a donc une crise de ce genre, évidemment, les deux pays, chacun doit faire des efforts pour que d'abord la solution soit trouvée à la racine qui a été à l'origine de la crise qui remonte au mois d'avril 2015. Mais également que s'il y a des situations de ce genre, qu'elles se règlent à travers les mécanismes prévus par le traité créant la communauté de l'Afrique de l'Est auquel les deux pays sont partis adhérents. Je vous le disais en titre, la pénurie d'eau se fait remarquer il y a deux semaines au chef-lieu de la commune Rugombo en province Cibitoke. Un bidon de 20 litres s'achète entre 500 et 700 francs burundais. La population qui n'a pas assez de moyens préfère consommer l'eau de la rivière Nyakagunda. Cette population de la localité de la commune Rugombo demande aux responsables de la régie des eaux de leur venir en aide. Et le chef de l'antenne régie des eaux à Cibitoke précise qu'elle est en train de tout faire pour disponibiliser de l'eau potable dans cette commune de Rugombo en province de Cibitoke. En province Mwaro, pour parler page environnement, les personnes qui exploitent les moellons, le sable ou celles qui fabriquent les briques dans cette province sont invitées à se regrouper en association par le service chargé de la protection de l'environnement dans cette province. Jean Bosco Ndendekere, représentant de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province, dit que jusqu'à présent, ces personnes travaillent de façon anarchique, ce qui détériore l'environnement. Les détails avec Laurent Ndikuriyo. Selon Jean Bosco Ndendekere, chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP en sigle, en province Mwaro, ceux qui exploitent les moellons, le sable, les latérites ou les fabricants de briques en province Mwaro ne savent pas que la loi relative à ces activités a changé. Il dit que ces personnes travaillent comme si c'était un travail de routine, ce qui peut dégrader l'environnement. D'après le chef d'antenne de l'OBP à Mwaro, un grand ravin se trouvant sur la commune Rweza, en commune Gisozi, qui a coupé la route Ndava Rweza, a été causé à l'origine par des gens qui exploitaient anarchiquement des moellons sur le massif de Guitara, surplombant le dit ravin. Un autre exemple est celui des gens qui extraient le sable dans la rivière Kayokwe en détruisant les berges qui ont été stabilisées par les projets Livemptu et Tamp Kagera. Ces projets avaient planté des bambous sur les rives de cette rivière. Il signale également le cas de ceux qui exploitent les moellons sur la colline Ngara, en commune Kayokwe, ou les fabricants de briques dans la vallée de Rurambira, en commune Rusaka. Dendeke Jean Bosco, représentant le BP en province Mwaro, demande à ces personnes de se regrouper en coopérative pour que ce service fasse une étude sur l'impact environnemental de leurs activités. Ceci permettra à ces associations d'obtenir une attestation de conformité environnementale délivrée par le ministère de tutelle. Il précise qu'il compte tenir une réunion avec ses exploitants pour les mettre au courant de ce que dit la loi en cette matière. De Mwaro, Laurent Dicurio, Radio Sanganilo. Revenons à mairie de Bujumbura pour parler de cette fondation Tabita Action qui s'occupe des enfants de la rue et les mendiants âgés qui comptent élargir ses activités. La représentante légale de cette fondation a ouvert dans l'après-midi de ce dimanche un centre qui va former les jeunes qui aideront les autres qui ont des blessures psychologiques. Suivez Oda Nduwimana de la fondation Tabita Action. On va ouvrir un centre d'écoute parce qu'on va parler des blessures, comment il faut soigner les blessures. Si on est guéri des blessures, comment on peut aider ou vivre avec des gens blessés. Quand on avait un bureau, on aidait en cas par cas des gens blessés, des gens qui ont beaucoup de chagrins. Mais maintenant, on va ouvrir un centre parce qu'on va enseigner surtout, on va aider les blessés psychologiques, mais on va aussi enseigner parce que beaucoup de gens sont victimes de l'ignorance. On va agrandir les activités parce qu'on va créer un monde de jeunes patriotes pour le meilleur avenir du pays, volontaires pour le progrès en faveur des personnes vulnérables, la protection de l'environnement, lutter contre toutes formes de violence, lutter contre les drogues chez les jeunes, soutenir les vieillards, la réconciliation, surtout échange entre les jeunes, expérience qu'on a vécue pour aider les autres à s'en sortir. Alors, puisque ce travail est complexe, vous allez le faire vous seul, la Fondation Tabitha seul, ou bien vous allez travailler en synergie avec les autres? C'est notre souhait de travailler en synergie. On voit qu'il n'y a personne qui peut gérer cette situation. C'est le travail en synergie qui peut résoudre le problème. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.